l'histoire du prince enfant et d'un vieux paysan se sont mis en danger pour sauver sans détour. Chacun de son côté a connu les mêmes jours. Différence qu'un barfos. Il était si petit, lui dominait sa vie. Chacun de son côté a bâti une cité. Essayez, oh. La recherche de l'endroit te prendra des années. Mais si tu as la foi, tu verras la cité. La reine de Saba y a trouvé un roi. Nefertiti passion y posa ses jalons. Différence qu'un barfos. Sans défaut.